Jamais personne ne nous forcera à abandonner la ville qui nous a vu naître. À présent, on est livré à nous-mêmes. Et tout seul, on va devenir puissant et l'emporter sur les autres. H-A-V-R-E, n'oublie pas de longtemps. H-A-V-R-E, ta flamme court dans ma vie, c'est la même que la tienne. Le Havre, ville du 76e département, fleur qui a subi de nombreux bombardements. Ici, tu sais, c'est pas super à ce qu'on dit, mais y'a pire, rare sont les cabanes et les taudis. T'as faire un tour dans ma ville, c'est la même que la tienne. Y'a des lascars qui traînent et nombreuses sont les chiennes. Te dire, c'est ici, j'en pas testé, non. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en 2007, mon pote, c'est la merde un peu partout. En plus ici, y'a pas que des vrais, c'est comme chez Watt. Ouais. Des types qui gèrent un sur 4, t'inquiète, j'connais les stats représentés, non. Enfin, tout ça un peu chauvin, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, on n'oublie pas d'où l'on vient. Hey, toi tu dis 9-3, t'en connais pas la moitié. Putain, tu check un type et t'appelles ça de l'amitié. Bref, écoute les artistes de ma ville, le Havre, tous les quartiers réunis, du quartier de l'heure à Cocrioville. Le rap à Vauve, sa gueule, fallait bien qu'il explose. Écoute les artistes que je t'expose, tu fais des textos, n'hésite pas à les cracher. Par contre, si tu racontes de la merde, il vaut mieux te cacher. Le rap à Vauve, sa gueule, fallait bien qu'il explose. Écoute les artistes que je t'expose, tu fais des textos, n'hésite pas à les cracher. Par contre, si tu racontes de la merde, il vaut mieux te cacher. Si t'es une pute et que t'es pas loyal, un paquet de types au niveau, ça invente une place royale. Ça fait une fiche que t'écris et tu te gonfles la cervelle. Le rap, ça sert à s'exprimer, stop, je te coupe les ailes. Tu uses des beats pour des feats, mais tes titres ont l'air père. C'est trop faux, tu changes de flow comme de suite, donc tu perds. Hey, t'inquiète, je te comprends, toi aussi tu veux ta place. Tu prétends que tu tapasses, mais tu rappes comme une pétasse. Bref, tu peux jacter sur mon blast. Rien à foutre, tu peux critiquer mes phases. Rien à foutre, tu peux te branler sur mon son tellement que tu kiffes. Rien à foutre, être une star remplie de bif. Rien à foutre, le rap à Vauve, sa gueule. Fallait bien qu'il explose. Écoute les artistes que je t'expose, tu fais des textos, n'hésite pas à les cracher. Par contre, si tu racontes de la merde, il vaut mieux te cacher. Le rap à Vauve, sa gueule, fallait bien qu'il explose. Écoute les artistes que je t'expose, tu fais des textos, n'hésite pas à les cracher. Par contre, si tu racontes de la merde, il vaut mieux te cacher. Le rap à Vauve, sa gueule. Écoute les artistes que je t'expose. Écoute les artistes que je t'expose.